France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 97. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 2 décembre 2007, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es coup d'état du 18 Brumaire, tu es bicorne ou bérésina, tu es l'aiglon ou le grognard, tu es sur le pont d'Arcole, tu es bel attelage aux Tuileries ou beau harnais à Malmaison, et tu es aussi... Il exista naguère un être fabuleux qui avait pourtant l'aspect d'un homme, qui naquit dans une île, rêva toute sa vie de conquérir une île, sortira dans une île, et qui contre son gré trépassa dans une île. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu vis dans une belle maison ou dans un bon appart. Tu es Napoléon. Alors, aujourd'hui, les bonapartistes célèbrent un bon paquet d'anniversaires, puisque le 2 décembre, c'est un peu leur date. Ce fut le sacre de Napoléon en 1804, la victoire d'Austerlitz en 1805, le coup d'état du neveu en 1851 et la proclamation du Second Empire un an plus tard. Oui, être bonapartiste, c'est donc ne pas trop avoir le choix dans la date. Ainsi, en ce jour de commémoration impériale, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, durant 53 minutes, de revisiter la sphère napoléonienne. Et pour commencer d'ailleurs, des canistres et licorces au veau maringo, il faudra retracer la vie de cet homme trop méconnu qu'est Napoléon. Ensuite, durant quelques minutes, nous essaierons ensemble de découvrir si l'esprit du Premier Empire est encore présent dans la France d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, nous constaterons dans la foulée que l'influence napoléonienne a largement dépassé les frontières européennes jusqu'en Centrafrique, dis donc. Et puis, dans la lignée de l'épopée impériale, après la défaite du printemps dernier, nous te raconterons le Waterloo socialiste. Et enfin, nous accompagnerons Monique et Jean-Claude sous le dôme en or des Invalides à l'occasion d'une visite un peu spéciale du tombeau de l'empereur. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et sors-toi les doigts du giron. We'll be right back. Waterloo, c'est la morne plaine que célébraient les Suédois d'Abba en 1974. Cette Suède de Bernadotte, qui d'ailleurs appartenait en 1815 à cette coalition qui voulait abattre Napoléon à Waterloo. Eh ben, alors aujourd'hui, en Russie, ont lieu les élections législatives que Vladimir Poutine considère comme un plébiscite sur sa personne. Ainsi, ce matin, la panique au Mangin Palace a donc ressenti l'impérieuse nécessité de consacrer une émission à Napoléon. Et pour commencer, il est sans doute utile de revenir durant quelques minutes sur les moments forts de la vie de l'empereur. Alors que Louis XV vient à peine de racheter la Corse à la République de Gênes en 1768, le petit Napoléon Bonaparte naît à Ajaccio le 15 août 1769. En gros, à un an près, Napoléon aurait été italien. Bon, chez les Bonaparte, on fait dans la famille nombreuse. La mère de Napoléon a eu 12 enfants, dont 8 survécurent. Et Napoléon, il aimait beaucoup sa maman, dont il a très tôt appris à épeler le prénom. L-A-E dans la T-I-T-I-A. L-A-E dans la T-I-T-I-A. Mais non, Laetitia Bonaparte, ça s'appelle L-E-T-I-Z-I-A. Et afin qu'il ne fasse plus de fautes, le petit Napoléon est vite envoyé à l'école militaire de Brienne. Bonaparte sort de ses études avec le grade de lieutenant dans l'artillerie. Une carrière pépère de militaire s'annonce, mais tout s'emballe quand éclate la Révolution. En 1793, au siège de Toulon, et en quelques coups de canon, Napoléon expulse les Anglais sur le champ. Il devient général. Il est ensuite choisi en 1795 pour écraser à Paris l'insurrection royaliste de Vendémiaire. Le jeune général est alors la star du moment dans les dîners mondains. Ainsi, chez Barras, le directeur du directoire, Bonaparte rencontre les chaleurs de la passion. Napoléon voit Joséphine, il en reste doux gâteux. En cherchant son thermomètre, il chante en Corse, j'aime tes grands cieux, 39 de Vièvre. Napoléon Bonaparte épouse donc en 1796 la créole Joséphine de Beauharnais, puis part Fissa en Italie pour combattre la puissante armée autrichienne. Et c'est là que commence véritablement l'épopée. Tambour-major, vous m'entendez? Je vous ordonne de jouer la marche en avant, la marche en avant. Il faut vaincre ou il faut mourir, mais plus question de réfléchir. Jouez-moi là. La marche en avant conduit aux victoires de Lodi, d'Arcole, de Rivoli et à l'armistice de Campo Formio. La popularité de Bonaparte est si grande que le directoire Trouillard l'envoie combattre les Mamelouks parce que, bien sûr, l'Égypte, c'est loin de Paris. Seulement voilà, quand Bonaparte rentre en France, il est accueilli comme un héros. Et que faire quand on est un héros? Eh bien, tout simplement un coup d'État en 1799, le 18 Brumaire, par exemple. Napoléon Bonaparte devient alors le premier consul et en 1802, suite à un plébiscite, il est consul à vie, puis deux ans plus tard, en 1804, délire, c'est la proclamation de l'Empire. Napoléon est désormais sacré empereur et sa balade en Europe se poursuit. Ulm, Austerlitz, Iéna, Friedland, c'est une orgie de victoires et de noms de rues. Rome et Amsterdam deviennent alors des chefs-lieux de départements français et Napoléon offre des couronnes royales à ses frères et à ses sœurs. Pourtant, Napo a un gros souci. Il n'a toujours pas eu d'enfant de Joséphine, alors que ses maîtresses, comme Marie Valeska, lui ont fait de jolis marmots. C'est pourquoi la raison d'État prend le pas. Napoléon répudie Joséphine, ce que la belle vit assez mal. Salut, salaud. Ce soir, t'es pas bavard. T'es pas bien dans ta peau. T'as une guerre de retard ou une victoire en trop. T'as perdu la mémoire, mais ce serait trop beau. Salut, salaud. Et en effet, Napoléon dit salut à Joséphine et s'allie à Marie-Louise d'Autriche. Et ça marche. La nouvelle impératrice met au monde un fils, l'Aiglon, qui reçoit le titre pompeux de roi de Rome. Napoléon est comblé, mais très vite, dès 1812, les ennuis commencent en Espagne. Mais c'est surtout en Russie que tout se complique. Il était un petit homme qu'on appelait le Grand en partant. Or, vous allez voir comme il revint un petit à Paris. Gué, gué, mes amis, chantons le renom du Grand Napoléon. C'est le héros des petites maisons. Sans demander son reste, fier comme un César de hasard. Dans cet état funeste, Napoléon le grand fout le camp. Gué, gué, mes amis, chantons le renom du grand Napoléon. C'est le héros des petites maisons. Le héros des petites maisons et de la grande armée est alors contrainte à une retraite difficile dont la Bérézina reste le symbole dramatique. Acculé jusqu'en France en 1814, Napoléon doit abdiquer. Il est exilé sur l'île d'Elbe, au large de la Corse. J'ai dû partir, j'ai dû m'éclipser, j'ai dû me camoufler, j'ai dû disparaître pour réapparaître. Oh, bouge de là. Et oui, Napoléon réapparaît et fait bouger du trône le roi Louis XVIII. Presque toutes les puissances européennes forment alors une coalition, une nouvelle coalition, et l'emportent sur Napoléon à Waterloo le 18 juin 1815. Cette fois-ci, après 100 jours de règne, l'empereur est exilé très loin au milieu de l'Atlantique à Sainte-Hélène. Et perdu sur son île, accompagné de Lascaz et des généraux Montholon et Bertrand, accompagnés de leur épouse, le temps semble long pour Napoléon. Je me sens parfois fripon près de la Montholon et de la femme à Bertrand. Alors de temps en temps, je fais cocu le Bertrand et puis le Montholon. Je suce des bonbons près de la Montholon et de la femme à Bertrand. Et sur mon testament, je coucherai la Bertrand et puis la Montholon. Je mourrai comme un con. C'est ainsi que Napoléon meurt à Sainte-Hélène le 5 mai 1821. Mais loin de l'Europe, sur son île perdue, il a pu construire à travers le mémorial, la légende impériale et le mythe du sauveur. Dieu le pilote a crié Sainte-Hélène, et voilà donc où languit le héros. Bons Espagnols, s'éteint votre haine, nous maudissons ses fers et ses bourreaux. Je ne puis rien pour sa délivrance, le temps n'est plus des trépas glorieux. Pauvre soldat, je reverrai la France. La main d'un fils me fermera les yeux. Pauvre soldat, je reverrai la France. La main d'un fils me fermera les yeux. La main d'un fils me fermera les yeux. C'est le rêve impossible de Napoléon, car le roi de Rome, devenu duc de Reichstag, est coincé à Vienne, un aiglon dans une cage dorée qui se pose bien des questions. Qu'est-ce que ça peut faire de savoir qu'était comme hiver? Tu vas me manquer. De savoir qu'on s'est fait la guerre, qu'on s'est fait la paix. Qu'est-ce que ça peut foutre? Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire que tu jettes la tête en arrière, que je sois sonné? Qu'est-ce que ça peut faire toutes ces parties de jambes en l'air, ces actes manqués? Qu'est-ce que ça peut faire ? C'est ce que se demande Benjamin Biolay sur son album intitulé Trash Yéyé. Parce que la fleur et la couleur associées à Napoléon, c'est la violette, bien entendu. Alors, la pendule impériale du Mangin Palace nous annonce qu'il est à présent 11h20. Et après avoir revisité le destin hors du commun de ce nabo corse, il est temps désormais d'essayer de savoir combien l'épopée napoléonienne persiste à exister dans notre vie quotidienne. Oui, mon ami, sais-tu où se planque aujourd'hui l'esprit de Bonaparte ? Avant tout, d'après l'historien Jean Tullard, expert en la matière, pépère, il y aurait eu plus de publications littéraires sur Napoléon que de jours qui se sont écoulés depuis sa propre mort en 1821. Autrement dit, plus de 68 000 références. Oui, en réalité, presque deux siècles après sa disparition, et que tu le veuilles ou non, Napoléon est omniprésent. À tel point qu'aujourd'hui, il ne se passe guère plus d'une journée sans que tu n'aies croisé l'héritage de l'empereur. Car sais-tu par exemple qu'il fut le créateur du lycée, du préfet, de la Banque de France, du Code civil, de la Légion d'honneur, du Conseil d'État, de la Cour des comptes, du Conseil des prud'hommes ou encore du Sénat. Bref, Napoléon a taillé son œuvre dans du granit. Et sa persistance est d'autant plus tenace que certains de nos plus grands poètes contemporains chante encore ses louanges, à tel point que Napoléon devient pour eux une réelle obsession, parfois même jusqu'à mettre leur couple en péril. Je crois qu'il y a, de la part de cet homme, qui est un conquérant qui s'est promené sur l'ensemble des champs de bataille, le besoin de retrouver des repères. Oh, du passe-là-là, du pas-dicton au monde. À l'île d'Elbe, non seulement il trouve des repères géographiques en maîtrisant, en organisant son territoire, mais il trouve aussi des repères affectifs et familiaux. Eh ben, aime-le et fous-nous la paix. Il est dans une ambiance qui est importante pour lui. Il y a sa mère, il y a Laetitia, il y a Pauline, sa sœur, auquel il est très attaché, et puis il y a quelques fidèles, il y a Drouot, il y a Bertrand, il y a Cambronne. Tu vas en venir avec ta menace. Il y a là donc un entourage affectif, il y a le climat méditerranéen, et on sent qu'il goûte, c'est un homme qui aime les parfums, qui aime les odeurs, et donc là, quelques encablures de la Corse et de la Toscane, il revit. La côte, c'est marrant. Chaque fois que je vais dans le trou, je pense au soleil. Parce que t'es chouette. T'es si chouette qu'il y a des moments que j'oublie que t'es à moi au point de croire que t'es mon frangin. Le risque est immense, mais la volonté de l'empereur est elle-même immense. Par terre, on se dispute, mais au lit, on s'explique. Et sur l'oreiller, on se comprend. Alors... Il y a là, effectivement, un très grand pari. Je crois que Napoléon, dans cette partie de sa vie, choisit la France au mépris de la simple conservation du pouvoir. Moi, à ta place, tu m'aurais une crèche ici, je ferais sentinelle. Je porte. Je bande. Allonge-toi. Et oui, le souvenir de la fougue des conquêtes napoléoniennes réveille parfois la virilité du poète. Cela dit, il arrive aussi régulièrement que la mémoire de Napoléon puisse provoquer l'agacement dans l'entourage proche du poète. Mais enfin, Zazie, si ça te plaît de voir vraiment les Invalides et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon, mon cul ? M'intéresse pas du tout cet enflé avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors ? Mais oui, qu'est-ce qui t'intéresse ? Le métro. Le métro ? Très bien, Zazie, mais là encore, sache que Napoléon rôde, puisque tu finiras sans doute par croiser les stations Cambronne, Austerlitz ou Campo Formio. Et que dire alors de LA Métro, société hollywoodienne qui racheta le studio de production de Charlie Chaplin. Please, it's very interesting for us Frenchmen to know something about the idea you had to do a picture on Napoleon. La question posée était, est-ce que vous voulez faire un film sur Napoléon ? Oh, that was so many years ago. Then Hitler came along and I lost the idea of dictators. Depuis que l'avènement de Hitler, j'ai changé d'idée à ce sujet. D'ailleurs, Charlie Chaplin lui-même, que tu viens d'entendre, fut décoré de la Légion d'honneur en mars 1931, une distinction impériale. Et oui, y compris dans l'univers de la création artistique, Napoléon continue d'être une source de fascination. Durant les 70s, par exemple, le génial Stanley Kubrick a voulu tourner un film sur la vie de Bonaparte, mais au dernier moment, lui aussi s'est rétracté. Heureusement, nos artistes glorieux sont un peu plus courageux. Quant à notre champion national Philippe Candeloro, il ne patinait pas, mais il nous préparait une surprise. Dans son prochain programme, il incarnera Napoléon, carrément. Quand on cite le programme, on le cite comme Napoléon Bonaparte, puisqu'on prend des attitudes de Napoléon et on prend aussi des attitudes de Bonaparte, mais on raconte plus l'histoire de Bonaparte parce que justement, à la fin de mon programme, je ne meurs pas. On laisse deviner la fin de la vie de Napoléon Bonaparte parce que justement, on ne veut pas arriver à cette fin tragique qui a été justement la mort de Napoléon et où justement il a perdu beaucoup de batailles. Moi, je veux m'arrêter au moment où il a gagné une des plus grandes batailles, genre Austerlitz. Donc pour moi, je veux rester sur ce final-là et pas Waterloo. Eh oui, Philippe Candeloro entretient à sa manière lui aussi la mémoire de l'empereur. Sur sa patinoire de l'imaginaire, Napoléon a toute sa place, aux côtés de Lucky Luke et d'Alice au Pays des Merveilles. Et là, je dis merci, Philippe. Mais figure-toi qu'il y en a d'autres qui participent à la commémoration glorieuse de l'empereur. Ce sont bien sûr tous ces professeurs d'histoire qui enseignent dans les collèges et lycées de France. Napoléon, pour votre information, c'est un traître, c'est un tyran, c'est un assassin. Un assassin qui a envoyé à la mort des milliers de jeunes gens dans toute l'Europe. Pensez que dans une seule bataille, 12 000 garçons sont morts. 12 000. Bonjour, monsieur le directeur. Je vous avais prévenu, professeur, vos opinions politiques. Vous devez les laisser en dehors de ces murs. Mais vous n'arrivez pas à vous en séparer. Bon, il est évident que Napoléon exaspère toujours autant l'idéologie de gauche. Mais bon, au final, cette aigreur à l'endroit de l'empereur entretient sa mémoire, bien sûr, puisque seul le mépris permettrait l'oubli. D'autant que cette grosse rancune n'est pas une exclusivité de la gauche française. Pour terminer, sachez que les Anglais sont vraiment rancuniers. Ils n'ont jamais supporté Napoléon, ce qui se conçoit, et ils ne l'apprécient pas plus mort que vivant. À Londres, dans la célèbre salle des ventes Sotheby's, la mise aux enchères d'une redingote de Napoléon a tourné court. Elle aurait dû se vendre aux alentours de 130 000 francs. Les commissaires priseurs n'ont pas réussi à obtenir une offre supérieure à 90 000 francs. Cette somme étant trop éloignée de l'enchère minimum, la redingote de l'empereur restera dans la naphtaline. Shocking. France Inter, 19h25. Merci d'avoir écouté ce journal. C'est ainsi, les Anglais n'ont jamais pu encadrer Napoléon. Alors qu'en Afrique, dis donc, figure-toi que l'héritage de l'empereur a connu de grandes heures au XXe siècle, et notamment grâce au dictateur Bokassa Ier. Un dingue, celui-là aussi. Écoute un peu ce petit reportage foutraque et hallucinant sur les traces de Napoléon en Centrafrique durant les années 70. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Comment faut-il vous appeler ? Sire, comme le disait le général de Gaulle quand il parlait souvent des souverains, ou bien votre majesté, ou majesté impériale ? Je préfère le mot soldat. Qu'est-ce qui va vous couronner empereur ? C'est le peuple. Et quels sont les signes physiques de votre nouvelle distinction ? C'est d'abord l'aigle dans le soleil, ensuite la couronne elle-même, et le grand habit, en même temps que le sceptre. Vous savez ce qui m'est arrivé récemment, mesdames, messieurs ? Je me suis pris pour Napoléon. Oui, moi, je me suis pris pour Napoléon. J'étais devant la pyramide. La grande pyramide, celle du Louvre. Je prendrai la couronne moi-même pour mettre sur ma tête. Présentez ! Stop ! Quand soudain semblant crever le ciel et venant de nulle part surgit un aigle noir. Et pourquoi vous avez tenu à avoir le style Napoléon ? Parce que nous avons été formés par la France d'abord et parce que nous avons étudié l'histoire de France, l'histoire du monde. Enfin, notre culture est une culture européenne d'abord et française en particulier. Il fallait bien s'inspirer de quelque chose. J'ai encore beaucoup admiré Napoléon pour les emblèmes qu'il a choisis. Par exemple, l'aigle et l'abeille. Parce que ce sont les symboles de quoi, vous dites ? Ce sont les symboles de puissance, de force, de l'autorité. Bokassa est aussi peu corse que Napoléon fut nègre. Au fait, sommes-nous sûrs de la non-négritude de Napoléon ? Réfléchissons. Qu'est-ce qui différencie un noir d'un blanc, à part la couleur de la peau et l'intelligence, qui n'est pas la même chez Denis Fabre et Léopold Sédar Senghor? La différence, la grande différence, c'est la morphologie génitale, dont les meilleurs spécialistes s'accordent à affirmer qu'elle joue nettement en faveur du noir en ce qui concerne les mensurations. Bien. Je n'affirme pas que Napoléon soit un nègre. Simplement, je pose la question, à votre avis, qu'est-ce qui chatouillait du matin au soir sur son gilet? Oh, yeah. I'm in chains, you're in chains too. Our uniforms and you are uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, Mr. Jailer. Oh, I have fears, you have fears too. I'll die, but you self will die too. Life is beautiful, don't you think so too, Mr. Jailer? Suppress all my strategies. You oppress every part of me. What you don't know, you're a victim too, Mr. Jailer. Oh, you don't care about my point of view. If I die, another will work for you. So you treat me like a modern slave, Mr. Jailer. I'm talking to you, Jailer. Stop calling me a prisoner. Let heal is without sin. Be the first to cast a stone, Mr. Jailer. Mr. Jailer, man. Jailer, c'est ce que chante la Nigériane Asha. Certes, Napoléon avait une redingote grise et il pouvait dire « j'ai chaud ». Mais s'il avait fait l'achat d'une grosse Rolex, il aurait également pu dire « ben, jailer ». Alors maintenant, pour prolonger notre épopée napoléonienne, il est temps désormais, à 11h33, de te raconter à notre manière, bien sûr, et librement adaptée du célèbre poème de Victor Hugo, cette tragique défaite de Waterloo. Souviens-toi, nous étions au printemps dernier, la bataille électorale faisait rage, mais au final, l'issue pour les grognards socialistes fut sans appel. Solferino, Solferino, morne pleine. Oui, Solferino, Solferino, morne pleine, comme une onde qui bout dans une urne trop pleine, dans ton QG de campagne, de chevènement à Payon, la pâle mort mêlait les sombres bataillons. D'un côté, c'est l'UMP, et de l'autre, le Parti Socialiste, avec son armée en ordre de marche. Laissez-moi vous présenter votre capitaine, le commandant Avant. Monsieur Arrière, et voici Monsieur Tout. Arrière. Avant. Avant. Tout. Arrière, n'avez-vous pas servi sous Avant pendant votre service? Pas directement. En fait, Tout venait après Avant et j'étais au-dessus de Tout. C'est vrai. Tout, vous étiez donc commandé par Avant et au-dessus d'Arrière. C'est ça. Par conséquent, Tout venait avant Arrière et moi, j'étais avant Tout. C'est ça, en résumé. Tout et moi venions derrière Avant, mais moi, j'étais plus bas que Tout. Tout vient après arrière et moi, je viens avant tout. Oui. Choc sanglant. Des socialistes, Marx trompait l'espérance. Tu désertais victoire et le sort était las. Oh, Solferino, je pleure et je m'arrête hélas. Le soir tombait, la lutte était ardente et noire. Le Parti Socialiste avait l'offensive et presque la victoire. Et puis soudain, joyeux, l'espoir semblait dire Lionel, mais ce fut Ségolène. Les grognards, les grenadiers. Sans grenades, sans fusils, ni souliers. Les grenadiers, les grenadiers. On est mort sur des champs étrangers. On a visité la Russie, mais jamais nous n'avons vu Paris. L'espoir changea de camp, le combat changea d'âme. L'euphorie médiatique en hurlant grandit comme une flamme. Mais la batterie UMP écrasa bientôt nos carrés. La plaine où frissonnaient les drapeaux bleu, blanc, rouge exhibés ne fut plus, dans la surprise des militants socialistes qu'on étonne, qu'un gouffre béant, digne du mot de Cambronne. Le reste de l'armée socialiste hésitait sur son sort, d'autant que dans cette bataille, le maréchal Guéant, de l'UMP chef d'état-major, ne s'encombrait point de remords. L'empereur ne partage pas votre appréciation optimiste de la situation. Mais il exige l'impossible, ou alors il me faut plus d'âme. Dans ce cas, vous pourrez le lui dire quand il va arriver. L'empereur vient d'ici. C'est exact, commandant. Et il n'est pas très satisfait de l'absence de progrès dans vos travaux. Nous allons redoubler d'efforts. Je l'espère, commandant, dans votre intérêt. L'empereur n'est pas aussi indulgent que moi. C'est alors que la déroute apparut aux soldats socialistes qui s'émeut et se tordant les bras cria « sauf qui peut ». Sous les sabres de l'UMP, ces militants socialistes, au deuil, tremblaient, hurlaient, pleuraient, couraient en un clin d'œil. Comme s'envole au vent une paille enflammée, s'évanouit ce bruit que fut la grande armée. Carnage affreux, moment fatal, derrière un mamelon, la garde était massée. La garde, espoir suprême et suprême pensée. « Allons !» « Faites donner la garde !» cria Ségolène à son directeur de campagne. « La tactique, elle est simple. On va leur rentrer dans le chou, à ces merdeux. Ils nous ont traités de gonzesses, on va leur faire voir si on a des petites bites. Alors Berthier, Morillo et Spivak, je veux que vous me les défonciez. »« La victoire au bout du pied, et la victoire au fond des filets, l'ennemi désemparé. » Comprenant qu'ils allaient mourir dans cette fête, les militants saluèrent Jaurès et Blum debout dans la tempête. La bataille, effroyable et vivante broussaille, où jamais l'adversaire Nicolas ne tressaille. D'ailleurs, avant d'ordonner l'assaut final, Nicolas convoqua son aide de camp pour une répétition générale. Mais vous n'écrivez pas, Martineau ? Vous voulez que j'écrive ça ? Que le petit oiseau est cruel comme le lion ? Si ça ne vous ennuie pas trop. La nature nous enseigne que le plus fort est contraint à marcher sur le plus faible, et donc, prenez note. Mais comment peut-on ? Mais je viens de vous le dire, on peut écrire sur la guerre, mais on ne peut pas faire la guerre comme on écrit. Dans la bataille, qu'est-ce qui empêche de penser que guerre et mort ne font qu'un ? La peur, Martineau. C'est la peur qui nous oblige à penser à la victoire. Mais, gare à vous si vous l'écrivez. C'est alors qu'elle vend tout à coup sa voix désespérée, la déroute géante à la face effarée qui, pâle, épouvantant les plus fiers socialistes, changea subitement ses vainqueurs en défaitistes. Le soldat de Solferino, d'un seul cri, dit ceci « Mais quelle erreur !» Puis, à pas lents, musique en tête sans fureur, tranquille, souriant à la mitraille de l'UMP, le grognard socialiste s'avance dans la mêlée. Dans la bataille, Ségolène, sur sa garde penchée, regardait et, sitôt qu'ils avaient débouché, sous les sombres canons crachant des jets de soufre, voyait, l'un après l'autre dans cet horrible gouffre, fondre ses régiments de granit et d'acier comme fond une cire au souffle d'un brasier. L'affrontement final des Cadors eut lieu sur le plateau du Poivre d'Arvor. Il y a des parvenus glorieux, madame. Oui, et vous en savez quelque chose. Savez-vous bien, madame, que votre franc-parler pourrait vous mener plus loin que vous ne pensez ? N'abusez pas de ma patience. Vous vous exprimez comme, puis-je le dire sans vous offenser, comme un grognard. J'étais à votre école. Savez-vous qu'on ne m'a jamais parlé comme vous m'avez parlé ? Et on a eu tort. Ça vous aurait peut-être corrigé. Ah, ben vous avez une façon de laver votre linge sale dans mon cabinet. Mais ne me dites pas que vous ne m'avez pas reconnu. Je vous ai bien reconnu, moi. C'est moi qui lavais votre linge quand vous étiez lieutenant en chambre, hein ? Non ! Si, mon lieutenant ! Songez-le. Bonaparte. Oui, bien sûr. Il vous plaisait, le lieutenant Bonaparte? Il m'aurait plu. Il avait l'air d'un petit pruneau. J'aimais bien les pruneaux, moi. Le lendemain, levant les mains au ciel, Ségolène dit ceci. Serais-je vaincu? Mon désir d'avenir s'est-il brisé comme un verre? Est-ce le châtiment, cette fois, Dieu sévère? Alors, parmi les rumeurs, le canon et les cris, le dimanche suivant, elle entendit une voix qui lui répondit. Vive Nicolas Ier, vive Nicolas le Grand, vive moi. Je m'adresse à tous les Français de droite, sans exception. Mes chers compatriotes, je serai le président de l'humanité tout entière, toute ma vie. Qu'il soit fêté dans sa maison, l'enfant prodigue de la gloire, Napoléon, Napoléon. L'enfant prodigue de la gloire, Napoléon, Napoléon. 7 mois se sont passés et ce coin de la terre, Solferino, ce plateau funèbre et solitaire, ce champ sinistre où Mitterrand mêla tant de talents, semble tremble encore d'avoir vu la fuite des géants. Solferino, Solferino, morne plaine, où désormais on se guette, traqué, à bout de souffle, marchant pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulés aux frontières du mensonge, des nations qui crèvent. On se guette, traqué, à bout de souffle, marchant pétrifié dans nos manteaux d'hiver, refoulés aux frontières du mensonge, des nations qui crèvent. Tués par des rêves chimériques, écrasés de certitude, dans un monde glacé de solitude. Sa voix, si quelque part il y a l'espoir d'être un jour les enfants du hasard, je vois ma vie projeter son futur dans l'espace. Et le silence me répond en secret. Burger, j'ai l'impression de mourir. Claude, Claude, Claude. Chester in England, England. Manchester, England, England. Au bout de l'Atlantique, je suis un génie, génie. Et je crois en Dieu. Et je crois que Dieu en Claude a foi. Et Claude, c'est moi. C'est moi. Laissons entrer le soleil, c'est ce que réclamait Julien Clerc en 1969. C'est aussi ce que disaient les cavaliers de Napoléon, sabre au clair, il y a 202 ans, jour pour jour, lorsqu'ils voyaient se lever le soleil d'Austerlitz. Alors maintenant, à 11h44, et toujours en direct du Manchin Palace, il est grand temps de retrouver nos deux héros impériaux, les grognards Monique et Jean-Claude. En effet, cette semaine, leur fils Rémi a fait une découverte fracassante. Alors qu'il fouillait dans le portefeuille de son père, sur le permis de conduire du Jean-Claude, Rémi a vu une photo, bon, déjà je te dis pas, mais surtout, il a appris que le troisième prénom de son père, ben, c'est Napoléon. Et Jean-Claude, il s'en est expliqué. Parce qu'un Corse lui fit la cour, au doutant de ses illusions, ma mère en me donnant le jour, me prénomma Napoléon. Je suis le Napoléon des faubourgs. N'importe nawak, se dit Rémi, pour qui décidément son père reste un mystère. Mais pour Jean-Claude, l'évocation de ses souvenirs d'enfance fait revenir à sa mémoire toute sa passion bonapartiste. Et c'est ainsi que depuis une semaine, Jean-Claude porte une doudoune grise et une casquette noire et qu'il se balade la main posée sur le ventre. Monique lui a bien demandé s'il faisait une crise de foie, mais Jean-Claude lui répond que... J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça, j'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher, je suis snob, c'est bad. Ok, Monique comprend très vite que Jean-Claude vient d'entrer dans une nouvelle phase de mimétisme et que cette fois-ci, il se prend pour Napoléon. Elle refuse totalement de le suivre dans son délire. Pourtant, Jean-Claude Napoléon tente bien de la convaincre. Il lui conseille d'ailleurs d'oser changer de prénom. Osez, osez Joséphine. Osez, osez Joséphine. Plus rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie. Osez. Monique se dit que vraiment là c'est grave et que le mieux c'est l'ironie. Elle essaye alors de convaincre Jean-Claude qu'il ne peut pas être Napoléon puisque... Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Mais comme j'étais pas là, le petit prince a dit: puisque c'est ainsi, nous reviendrons mercredi. Doubou-dou, papa, doudou-dou, oui. Jean-Claude comprend très vite que Monique a sombré dans le cynisme. Il décide alors d'expliquer à son fils Rémi d'où lui vient sa passion pour l'empereur. Quand j'étais écolier, souvent j'allais traîner mon enfance fragile au musée de l'armée où je pouvais rêver tout seul et bien tranquille. Les canons en retraite, par leur gueule rouillée, me parlaient de conquête, de leurs voix enrouées. Le passé prenait forme dans ma tête d'enfant et tous les uniformes semblaient se mettre en rang. C'est ainsi que Jean-Claude a décidé d'emmener Monique et Rémi aux Invalides à Paris pour visiter le musée de l'armée, mais surtout pour se recueillir sur le tombeau de Napoléon. Jean-Claude, Monique et Rémi s'apprête donc à visiter le tombeau de Napoléon aux Invalides. À peine entré dans la cour d'honneur, Rémi aperçoit une imposante statue. Dis pas, qui c'est celui-là ? Voyons, tu ne le reconnais pas ? Oh, si je l'avais reconnu, je te demanderais pas qui que c'est ? C'est l'empereur. Quel empereur ? Napoléon. Tu n'as jamais entendu parler de Napoléon ? Il a une drôle de tronche. Je t'interdis de parler ainsi de l'empereur. N'oublie pas que le beau-frère de ta cousine par alliance a une grand-mère maternelle corse. Nous ne sommes pas des descendants en ligne directe, certes, mais Napoléon, c'est tout de même un peu de la famille. On n'empêche que là, un drôle de tronche. Que je t'entende encore une seule fois une réflexion de ce genre et je te ramène immédiatement à la maison. Moi, j'aurais voulu serrer la main de Napoléon. Allons, viens. C'est tout de même vrai qu'il a une drôle de tronche. Ça, je te dis pas. Moi, rien, rien. Viens par ici. Et Jean-Claude Napoléon conduit donc Monique, Joséphine et l'aiglon Rémi sous le dôme des Invalides où ils admirent avec émotion l'imposant tombeau de porphyre et de granit. Après être resté quelques minutes envoûté par les vestiges de l'épopée impériale, Jean-Claude, pour rendre hommage à Napoléon, décide d'emmener sa Monique dans le premier troquet venu. Le vin de Corse m'avait donné la force de t'avoir dit je t'aime. Le vin de Corse me réchauffe le corps et tu n'es plus la même. Les bateaux se baladent dans l'eau bleue de la mer ajaxienne et dans mes yeux. Le vin de Corse a des reflets soleil, couleur des jours heureux. Monique est ravie de cette nouvelle tentative de conquête et propose alors à Jean-Claude d'aller manger au resto. Jean-Claude Napoléon, il n'est pas trop fan de la restauration. Bon, ok pour une heure ou deux, mais pas pour 100 jours, hein. Rémi, lui, pour rendre hommage au maréchal, propose d'aller au McDonald's. Monique refuse tout net. Elle veut des moules et des frites, car sur la table, elle aime la nappe au Léon de Bruxelles. Comme en Lituanie, le restaurateur dit « Hello » quand il voit Jean-Claude entrer dans le restaurant avec la main dans son giron. Mais un peu intrigué, il lui demande quand même si tout va bien. Jean-Claude explique que... L'empereur est mort d'un ulcère à l'estomac. C'est ce qui figure sur le rapport d'autopsie, c'est ce que dira l'histoire. L'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Ce sont les mots de l'empereur, n'est-ce pas? Vraiment. Le rapport d'autopsie est-il contestable? Non. Maintenant, vous voudrez bien m'excuser. Cette cérémonie m'a épuisé. C'est moi qui m'excuse. Je ne voulais pas remuer tous ces souvenirs. Bon allez, ce n'est pas grave, tout ça c'est du passé. Il est temps de commander. Monique ne veut pas manger trop lourd car c'est bientôt les fêtes et elle ne veut pas prendre 10 ou 20 grammes. C'est alors que Monique sort de son sac à main une trousse de manucure et esslingue les ongles. Jean-Claude est offusqué. Monique se comporte vraiment comme si elle arrive au lit. Mais il l'aime trop pour la répudier et pendant qu'il déjeune, Jean-Claude voit s'écouler tous ses rêves. Je me voyais le sceptre en main, l'hermine sur le dos, en tête une couronne. Des courtisans pour ma personne se courberaient bien bas les reins. Autour du monde de mon nom, on écrirait l'histoire et devant ma puissance trembleraient les états, je pense que j'avais perdu la raison. Monique aussi se dit que Jean-Claude a sacrément perdu la raison. Voilà, fin de l'épopée. D'ailleurs, c'est le moment du dessert. Et comme Jean-Claude raffole des œufs à la neige avec de la crème anglaise, Monique quitte la table et laisse Jean-Claude Napoléon seul avec son île flottante, sa Sainte-Hélène de pacotille. Il n'y a pas de raison que les hommes aient vraiment tous les droits, se dit-elle. Il n'y a pas de raison qu'au nom de la loi, les hommes aient toujours tous les droits. Pensez que lorsqu'ils sont mariés, nous ne sommes plus que leur moitié. L'égalité, comme ils l'appliquent, ils appellent ça la République. Et ça, c'est de la faute à qui donc? Hein? C'est de la faute à Napoléon. Si tous les hommes se croient sur terre, sortis de la cuisse de Jupiter, c'est de la faute à Napoléon. S'ils ont le droit de nous commander et nous de faire semblant d'écouter, c'est de la faute à Napoléon. Je vous jure qu'on en a tout assez de servir au repos des guerriers. Il y a trop longtemps qu'à la maison, sans rien faire, ils jouent les patrons. Car si notre armée de jupons est menée par des pantalons, c'est de la faute à Napoléon. Pour nous les femmes, c'est sûr en somme, tout ce qui ne va pas, ça vient des hommes. Je sais pas qui a fait le code civil, mais ça n'est sûrement pas Bourville. Et si c'est pas de la faute à Jules, Antoine ou à Théodule, de vous à moi sans discussion, hein, c'est de la faute à Napoléon. Si les hommes ont droit de nous tromper sans avoir rien à se reprocher, c'est de la faute à Napoléon. Nous, quand on veut les imiter, si on nous traite de dévoyés, c'est de la faute à Napoléon. Non, Joséphine, je sens que j'en ai tellement marre que je vais devenir un vrai grognard. Je leur enverrai même, s'il le faut, un petit souvenir de Waterloo. Car entre nous, il n'y a pas de question, tous nos ennuis sans exception, c'est de la faute à Napoléon. S'il attend plus l'été dernier, si le beefsteak a augmenté, c'est de la faute à Napoléon. Si j'ai pas gagné au tiercé, si j'ai un bouton sur le nez, c'est de la faute à Napoléon. Si la cala s'est enrhumée, si on devient tous un peu yéyé, si on circule mal dans Paris, c'est encore de sa faute à lui. Et même si les contributions nous piquent de plus en plus de pognon, c'est de la faute à Napoléon. La la la la la la la la la la la la la la la la, c'est de la faute à Napoléon. La la la la la la la la la la la la la la la, c'est de la faute à Napoléon. D'ailleurs, pour savoir si les hommes ont encore le droit de commander, y a qu'à faire un référendum, on aura la majorité. Je ne me fais pas d'illusions, car si les choses sont ce qu'elles sont, c'est de la faute à Napoléon. C'est la faute à Napoléon. C'est ce que déplorait Annie Cordy en 1965. Jamais contente, Annie. Attends, oh. Sans Napoléon, là, on n'aurait jamais pu faire cette émission, hein. Mais bon, c'était quand même un bon aparté d'Annie Cordy. « Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre épopée napoléonienne. De la grande armée aux masses de granit, de Lagarde se meurt mais ne se rend pas à Christine Lagarde, ministre des Finances, et de l'Empire à l'année mieux, nous t'avons dressé ce matin un portrait totalement incomplet et complètement subjectif, bien sûr, de Napoléon Ier. Pour finir, Napoléon Bonaparte cristallise encore aujourd'hui beaucoup de fascination de par le monde. Et pourtant, son règne n'excède pas 15 ans, il a fait plus d'un million de morts, il a rétabli l'esclavage, et tout cela s'est achevé par une défaite mémorable en juin 1815. Seulement voilà, sa plus grande victoire fut sans aucun doute la construction de sa propre légende. Avant l'heure, Napoléon fut un expert en marketing, toujours soucieux de son image qu'il a su mettre en scène. En gros, la morale de toute cette histoire, c'est... Ça n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est l'histoire, la façon dont on le raconte pour se faire bien voir. L'important dans la bataille, c'est l'histoire, qu'on découvre ou qu'on détaille selon l'auditoire. On inverse un peu les rôles, on rajoute un petit morceau, ça rend les récits plus drôles et pour être un héros. À l'heure où l'on fait les comptes pour la gloire, ça n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est l'histoire. C'était Yves Duteil qui pourrait bien nous faire gober Carcole. C'était le petit pont de bois. Voilà, fin du 97e épisode. Tout le monde descend. Faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était C'est qui Napoléon ? Revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h et en direct sur France Inter pour une nouvelle aventure Total Foutrac et archi loufoque, bien sûr. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi, monsieur Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr le génial H2M Henri Marc Mutel. Merci beaucoup, Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Benjamin Delagatiné et d'Éric Morin. Merci beaucoup à vous deux, c'était impeccable comme d'habitude. Pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard. Merci Flora. Merci aussi à Adèle Ponticelli, notre stagiaire. Pour les Scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ces idées complémentaires. Merci enfin à Jennifer Guillot, documentaliste de l'INA. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit, le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès dimanche prochain à 11h et en direct sur France Inter. Mais en attendant, d'ici là, surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On fait pas une deuxième prise. Comment ? Ah, c'était en direct ? Ah, je savais pas que c'était en direct.